Depuis un instant, le père Mathias était remonté dans la chaire, et cette fois, il avait imaginé un autre exercice. Après les cris brûlants de foi, d'espérance et d'amour qu'il jetait, il commandait tout à coup l'absolu silence, pour que chacun, les lèvres closes, put en secret parler à Dieu pendant 2 ou 3 minutes. Ce silence instantané au milieu de la vaste foule, ces minutes de vœux muets où toutes les âmes ouvraient leurs mystères, étaient d'une grandeur saisissante, extraordinaire. La solennité en devenait redoutable. On y entendait passer le vol du désir, l'immense désir de vie. Puis, le père Mathias invitait les malades seuls à parler, à supplier Dieu de leur accorder ce qu'ils réclamaient de sa toute-puissance. Alors, c'était une lamentation pitoyable, des centaines de voix chevrotantes et cassées qui s'élevaient dans un concert de larmes. « Seigneur Jésus, si vous le voulez, vous pouvez me guérir. Seigneur Jésus, ayez pitié de votre enfant qui se meurt d'amour. Seigneur Jésus, faites que je voie, faites que j'entende, faites que je marche. » Une voix aiguë de petite fille, d'une légèreté et d'une vivacité de flûte, dominait le sanglot universel, répétait au loin « sauvez les autres, Seigneur Jésus !» Des larmes coulaient de tous les yeux. Ces supplications bouleversaient les cœurs, jetaient les plus durs à la folie de la charité, dans un sublime désordre qui leur aurait fait ouvrir à deux mains leur poitrine pour donner aux prochains leur santé et leur jeunesse. Et le père Mathias, sans laisser tomber cet enthousiasme, reprenait ses cris, en fouettait de nouveau la foule délirante, pendant que le père Fourcade, sur une des marches de la chaire, sanglotait lui aussi, levant vers le ciel sa face ruisselante pour commander à Dieu de descendre. Mais la procession arrivait. Les délégations, les prêtres s'étaient rangés à droite et à gauche, et quand le dais entra dans l'enceinte réservée aux malades, devant la grotte, quand ceux-ci aperçurent Jésus hostie, le Saint-Sacrement luisant comme un soleil, aux mains de l'abbé Judaine, il n'y eut plus de direction possible. Les voix se confondirent, un vertige emporta toutes les volontés. Les cris, les appels, les prières se brisaient dans des gémissements. Des corps se soulevaient de leurs grabats de misère, des bras tremblants se tendaient, des mains crispées semblaient vouloir arrêter le miracle au passage. « Seigneur Jésus, sauvez-nous, nous périssons. Seigneur Jésus, nous vous adorons, guérissez-nous. Seigneur Jésus, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant, guérissez-nous. » 3 fois, les voix désespérées, exaspérées, jetèrent la suprême lamentation dans une clameur qui trouait le ciel. Et les larmes redoublaient, inondaient les visages brûlants que transfigurait le désir. Un moment, la frénésie devint telle, l'élan instinctif vers le Saint-Sacrement parut si irrésistible, que Berthaud fit faire la chaîne au brancardier qui se trouvait là. C'était la manœuvre de protection extrême. Une haie de brancardiers se formait à droite et à gauche du dais, chacun d'eux nouant fortement un bras au cou de son voisin, de façon à construire une sorte de mur vivant. Il n'y avait plus de fissures, rien ne pouvait passer. Mais ces barrières humaines n'en fléchissaient pas moins sous la pression des malheureux affamés de vie, voulant toucher, voulant baiser Jésus. Et elles oscillaient, se trouvaient rabattues contre le dais qu'elles défendaient, et le dais lui-même, sous la continuelle menace d'être emporté, roulait parmi la foule, ainsi qu'une barque sainte en péril de naufrage. Alors, au plus fort de cette folie sacrée, dans les supplications et dans les sanglots, comme dans un orage, lorsque le ciel s'ouvre et que la foudre tombe, des miracles éclatèrent. Une paralytique se leva, jeta ses béquilles. Il y eut un cri perçant, une femme apparut, debout sur son matelas, enveloppée d'une couverture blanche ainsi que d'un suaire. Et l'on disait que c'était une phtisique à demi-morte, ressuscitée. Coup sur coup, la grâce retentit deux fois encore. Une aveugle qui aperçut la grotte soudainement dans une flamme. Une muette qui tomba sur les deux genoux en remerciant la Sainte Vierge à voix haute et claire. Et toutes se prosternaient d'eux-mêmes aux pieds de Notre-Dame de Lourdes, éperdues de joie et de reconnaissance. Mais Pierre n'avait pas quitté Marie des yeux, et ce qu'il voyait le bouleversait d'attendrissement. Les yeux de la malade, vides encore, s'étaient élargis, tandis que son pauvre visage blême, au masque lourd, se contractait, comme si elle eût affreusement souffert. Elle ne parlait pas, se croyant reprise par le mal, sans doute, désespérée. Puis, tout d'un coup, lorsque le Saint-Sacrement passa et qu'elle en regarda l'astre flamboyer au soleil, elle eut un éblouissement. Elle crut être frappée d'un éclair. Ses yeux s'étaient rallumés à cet éclat. Ils retrouvaient enfin leur flamme de vie. Ils brillaient, pareils à des étoiles. Son visage, sous le flot de sève, s'animait, se colorait, rayonnait d'un rire d'allégresse et de santé. Et il la vit se lever brusquement, se tenir toute droite dans son chariot, chancelante, bégayante, ne trouvant que ce mot de caresse. « Oh, mon ami! Oh, mon ami !» Vivement, il s'était approché pour la soutenir, mais elle l'écarta d'un geste, elle se raffermissait, si touchante, si belle, dans sa robe de petite laine noire, avec les pantoufles qu'elle gardait toujours, élancée et mince, nimbée d'or par son admirable chevelure blonde, qu'une simple dentelle recouvrait. Tout son corps de vierge restait en proie à des secousses profondes, comme si une puissante fermentation l'avait régénérée. D'abord, ce furent les jambes qui se délivrèrent des chaînes qui les nouaient. Puis, tandis qu'elle sentait jaillir d'elle la source de sang, la vie de la femme, de l'épouse et de la mère, elle eut une dernière angoisse, un poids énorme qui lui remontait du ventre dans la gorge. Seulement, cette fois, il ne s'arrêta pas, ne l'étouffa pas, il jaillit de sa bouche ouverte, il s'envola en un cri de sublime joie. « Je suis guérie ! Je suis guérie !» Alors, ce fut un spectacle extraordinaire. La couverture gisait à ses pieds, elle triomphait. Elle avait une face éclatante et superbe. Et son cri de guérison venait de retentir avec une telle ivresse que la foule entière en restait éperdue. Il n'y avait plus qu'elle, on ne voyait qu'elle, debout, grandie, si radieuse, si divine. « Je suis guérie ! Je suis guérie !» Pierre, dans la commotion violente qu'il avait reçue au cœur, s'était mis à pleurer. De nouveau, les larmes ruisselaient de tous les yeux. Au milieu des exclamations, des gratitudes, des louanges, un frénétique enthousiasme gagnait de proche en proche, soulevait d'une émotion croissante les milliers de pèlerins qui s'écrasaient pour voir. Des applaudissements se déchaînèrent, une furie d'applaudissements dont le tonnerre roula d'un bout à l'autre de la vallée. Le père Fourcade agitait les bras, le père Mathias put enfin, du haut de la chaire, se faire entendre. « Dieu nous a visités, mes chers frères, mes chères sœurs. Magnificat anima mea dominum. » Toutes les voix, les milliers de voix, entonnèrent le chant d'adoration et de reconnaissance. La procession se trouvait arrêtée. L'abbé Judet n'avait pu gagner la grotte avec l'ostensoir, mais il patientait là avant de donner la bénédiction. En dehors de la grille, le dais l'attendait, entouré des prêtres en surplis et en chasuble, d'un éclat de neige et d'or aux rayons du couchant. Cependant, Marie s'était agenouillée, sanglotante, et tout le temps que le chant dura, un acte brûlant de foi et d'amour monta de son être. Mais la foule voulait la voir marcher, Des femmes heureuses l'appelaient. Un groupe l'entoura, qui l'enleva presque, la poussa vers le bureau des constatations pour que le miracle fût prouvé, éclatant comme la lumière du soleil. Son chariot fut oublié, Pierre la suivit, tandis que, balbutiante, hésitante, avec une maladresse adorable, elle, qui depuis 7 ans ne se servait plus de ses jambes, s'avançait de l'air inquiet et ravi du petit enfant qui fait ses premiers pas. Et cela était si attendrissant, si délicieux, qu'il ne songeait plus qu'à l'immense bonheur de la voir renaître à sa jeunesse. Ah, chère amie d'enfance, chère tendresse lointaine, elle serait donc enfin la femme de beauté et de charme que la jeune fille autrefois promettait lorsque, dans le petit jardin de Neuilly, elle était jolie si gaiement sous les grands arbres criblés de soleil. La foule continuait furieusement à l'acclamer. Une vague énorme refluait, l'accompagnait. Et tous l'attendirent, stationnèrent avec fièvre devant la porte lorsqu'elle fut entrée dans le bureau, où Pierre seul fut admis avec elle. Cet après-midi-là, il y avait peu de monde au bureau des constatations. La petite salle carrée, dont les murs de bois brûlaient, avec son mobilier rudimentaire, ses chaises de paille et ses 2 tables d'inégale hauteur, n'était occupée, en dehors du personnel accoutumé, que par 5 ou 6 médecins assis et silencieux. Devant les tables, le chef de service des piscines et 2 jeunes abbés tenaient les registres, feuilletaient les dossiers, tandis que le père d'Argelès, à l'un des bouts, écrivait une note pour son journal. Et justement, le docteur Bonamy était en train d'examiner le lupus d'Élise Rouquet, qui, pour la 3e fois, venait faire constater la cicatrisation croissante de sa plaie. « Enfin, messieurs !» s'écriait le docteur. « Avez-vous jamais vu un lupus s'amender de la sorte, si rapidement ?» « Je sais bien qu'un nouvel ouvrage a paru sur la foi qui guérit, où il est dit que certaines plaies peuvent être d'origine nerveuse. Seulement, rien n'est moins prouvé dans le cas du lupus, et je défie qu'une commission de médecins s'assemble et s'entende pour expliquer, par les voies ordinaires, la guérison de mademoiselle. » Il s'interrompit, il se tourna vers le père d'Argelès. « Vous avez bien noté, mon père, que la suppuration a disparu complètement et que la peau reprend sa couleur naturelle. » Mais il n'attendit pas la réponse. Marie entrait, suivie de Pierre. Et tout de suite, il devina le coup de fortune qui lui arrivait, au rayonnement dont resplendissait la miraculée. Elle était admirable, faite pour entraîner et convertir les foules. Vivement, il renvoya Élise Rouquet, demanda le nom de la nouvelle venue, réclama le dossier à l'un des jeunes prêtres. Puis, comme elle chancelait, il voulut la faire asseoir dans le fauteuil. « Oh non ! Oh non ! » s'écria-t-elle. « Je suis si heureuse de me servir de mes jambes !» Pierre, d'un regard, avait cherché le docteur Chassaigne, désolé de ne pas le trouver là. Il se tint à l'écart et l'attendit, pendant qu'on fouillait les tiroirs en désordre, sans pouvoir mettre la main sur le dossier. « Voyons !» répétait le docteur Bonamy. « Marie de Guersin, Marie de Guersin, j'ai vu ce nom, à coup sûr !» Enfin, Rabouin découvrit le dossier, classé à une fausse lettre alphabétique. Et quand le docteur eut pris connaissance des certificats qu'il contenait, il se passionna. « Voici qui est très intéressant, messieurs. Je vous prie d'écouter avec attention. Mademoiselle, que vous voyez là, debout, était atteinte d'une très grave lésion de la moelle. Et si l'on avait le moindre doute, ces 2 certificats suffiraient à convaincre les plus incrédules, car ils sont signés par 2 médecins de la faculté de Paris, dont les noms sont bien connus de tous nos confrères. » Il fit passer les certificats aux médecins présents, qui les lurent avec de légers hochements de tête. Cela était indéniable. Les signataires avaient la réputation de praticiens honnêtes et habiles. Eh bien, messieurs, si le diagnostic n'est pas contesté, et ne peut pas l'être, quand une malade nous apporte des documents de cette valeur, nous allons voir maintenant les modifications qui se sont produites dans l'état de mademoiselle. Mais avant de l'interroger, il se tourna vers Pierre. « Monsieur l'abbé, vous êtes venu de Paris avec mademoiselle de Guersin, je crois. Est-ce que vous aviez pris l'avis des médecins avant le départ ?» Le prêtre sentit un frémissement dans sa grande joie. « J'ai assisté à la consultation, monsieur. » Et la scène de nouveau s'évoquait. Il revit les deux docteurs, graves et raisonnables. Il revit Beauclerc qui souriait, pendant que ses confrères rédigeaient leur certificat conforme. Allait-il donc mettre ceci à néant, faire connaître l'autre diagnostic, celui qui permettait d'expliquer scientifiquement la guérison? Le miracle était prédit, ruiné à l'avance. « Vous le remarquerez, messieurs, » reprit le docteur Bonamy, « la présence de monsieur l'abbé apporte à ses preuves une nouvelle force. Maintenant, mademoiselle va nous dire bien exactement ce qu'elle a ressenti. » Il s'était penché sur l'épaule du père d'Argelès. Il lui recommandait de ne pas oublier de donner à Pierre un rôle de témoin dans la narration. « Mon Dieu, messieurs, comment vous dire ?» s'écria Marie de sa voix haletante, brisée de bonheur. « Depuis hier, j'étais certaine d'être guérie. » Et pourtant, tout à l'heure encore, quand des fourmillements m'ont prise dans les jambes, j'ai eu peur que ce ne fût une nouvelle crise. J'ai douté un instant. Alors, les fourmillements se sont arrêtés. Puis, ils ont recommencé dès que je suis retombée en prière. Oh, je priais de toute mon âme. J'ai fini par m'abandonner comme une enfant. « Sainte Vierge, Notre-Dame de Lourdes, faites de moi ce que vous voudrez. » Les fourmillements ne cessaient plus. Il m'a semblé que mon sang bouillonnait. Une voix me criait « Lève-toi, lève-toi !» Et j'ai senti le miracle dans un grand craquement de tous mes os, de toute ma chair, comme si j'étais frappée de la foudre. Pierre, très pâle, l'écoutait. Beauclerc le lui avait bien dit que la guérison viendrait en coup de foudre, lorsque, sous l'influence de l'imagination puissamment surexcitée, il se produirait en elle un réveil soudain de la volonté, depuis si longtemps endormie. « Ce sont d'abord les jambes que la Sainte Vierge a délivrées, » continua-t-elle. « J'ai eu la sensation très nette que les liens de fer qui les nouaient glissaient le long de ma peau comme des chaînes brisées. Puis le poids qui m'étouffait toujours, là, dans le flanc gauche, a remonté. Et j'ai cru que j'allais mourir tellement il me ravageait. Mais il a dépassé ma poitrine, il a dépassé ma gorge, et je l'ai eu dans la bouche, et je l'ai craché violemment. C'était fini, je n'avais plus mon mal, il s'était envolé. » Elle avait fait le geste lourd de l'oiseau de nuit qui bat des ailes, et elle se tut, en souriant à Pierre, bouleversée. Tout cela, Beauclerc l'avait dit à l'avance, en se servant presque des mêmes mots, des mêmes images. De point en point, le pronostic se réalisait. Il n'y avait plus là que des phénomènes prévus et naturels. Les yeux ronds, Rabouin avait suivi le récit, avec la passion d'un dévot borné que hante l'idée de l'enfer. « C'est le diable » cria-t-il. « C'est le diable qu'elle a craché !» Mais le docteur Bonamy, plus sage, le fit taire. Et, se tournant vers les médecins, « Messieurs, vous savez que nous évitons toujours ici de prononcer le grand mot de miracle. Seulement, voici un fait. Je suis curieux de savoir comment vous l'expliqueriez par les voies naturelles. Depuis 7 ans, mademoiselle était frappée d'une paralysie grave, due évidemment à une lésion de la moelle. Et cela ne saurait être nié, les certificats sont là, indiscutables. Elle ne marchait plus, elle ne pouvait plus faire un mouvement sans jeter une plainte. Elle en était arrivée à l'épuisement extrême qui précède de peu les terminaisons fâcheuses. Tout d'un coup, la voici qui se lève, qui marche, qui rit et rayonne. La paralysie a complètement disparu. Il ne reste aucune douleur. Elle se porte aussi bien que vous et moi. Voyons, messieurs, examinez-la, dites-moi ce qui s'est passé. » Ils triomphaient. Aucun des médecins ne prit la parole. Deux, sans doute des catholiques pratiquants, avaient approuvé d'un branle énergique de la tête. Les autres demeuraient immobiles, l'air gêné, peu soucieux de se mettre dans cette histoire. Pourtant, un petit maigre, dont les yeux luisaient derrière les verres de son binocle, finit par se lever pour voir Marie de plus près. Il lui prit une main, regarda ses pupilles, sembla se préoccuper simplement de l'air de transfiguration où elle baignait. Puis, d'une façon très courtoise, sans vouloir même discuter, il retourna s'asseoir. « Le cas échappe à la science. Voilà tout ce que je constate, » conclut victorieusement le docteur Bonamy. « J'ajoute que nous n'avons pas ici de convalescence. La santé se refait d'un coup, pleine et entière. Voyez, mademoiselle, le regard brille, le teint est rosé, la physionomie a retrouvé sa gaieté vivante. Sans doute la réparation des tissus va se continuer avec quelque lenteur, mais déjà l'on peut dire que mademoiselle vient de renaître. N'est-ce pas, monsieur l'abbé, vous qui la voyez souvent, vous ne la reconnaissez plus ? » Pierre balbutia. « C'est vrai, c'est vrai. » Et en effet, elle lui apparaissait déjà forte, les joues remplies et fraîches, d'une allégresse florissante. Mais, encore une fois, Beauclerc l'avait prévu, ce sursaut d'Hosanna, ce redressement et ce resplendissement de tout ce corps brisé, quand la vie rentrerait en lui, avec la volonté de guérir et d'être heureuse. De nouveau, le docteur Bonamy s'était penché sur l'épaule du père d'Argelès, qui achevait d'écrire sa note, une sorte de petit procès-verbal complet. Tous deux échangèrent quelques mots à demi-voix, ils se consultaient, et le docteur finit par reprendre. « Monsieur l'abbé, vous avez assisté à ces merveilles. Vous ne refuserez pas de signer le récit exact que vient de rédiger le révérend père pour le journal de la grotte. » Lui, signer cette page d'erreurs et de mensonges, une révolte le souleva. Il fut sur le point de crier la vérité. Mais il sentit le poids de sa soutane à ses épaules, et surtout, la joie divine de Marie lui emplissait le cœur. Il restait pénétré d'un bonheur si grand à la voir sauvée. Depuis qu'on ne l'interrogeait plus, elle était venue s'appuyer sur son bras. Elle continuait de lui sourire avec des yeux d'ivresse. « Oh, mon ami, » dit-elle très bas, « remerciez la Sainte Vierge, elle a été si bonne. Me voilà maintenant si bien portante, si belle, si jeune. Et que mon père, mon pauvre père, va être content. » Alors Pierre signa. Tout croulait en lui, mais il suffisait qu'elle fût sauvée. Il aurait cru être sacrilège en touchant à la foi de cet enfant, la grande foi pure qu'il avait guérie. Dehors, lorsque Marie reparut, les acclamations recommencèrent, la foule battit des mains. Il semblait que maintenant le miracle fût officiel. Pourtant, des personnes charitables, craignant qu'elle ne se fatiguât et qu'elle n'eût besoin de son chariot, abandonné par elle devant la grotte, l'avait amenée jusqu'au bureau des constatations. Quand elle le retrouva, elle eut une émotion profonde. Ah, ce chariot où elle avait vécu tant d'années, ce cercueil roulant dans lequel elle s'imaginait parfois être enterrée vive. Que de larmes, que de désespoir, que de journées mauvaises il avait vues. Et tout d'un coup, l'idée lui vint que, puisqu'il avait si longtemps été à la peine, il devait être lui aussi au triomphe. Ce fut une inspiration brusque, comme une sainte folie, qui lui fit saisir le timon. À ce moment, la procession passait, revenant de la grotte, où l'abbé Judaine avait donné la bénédiction. Et Marie, traînant son chariot, se plaça derrière le dais. Et en pantoufles, la tête couverte d'une dentelle, elle marcha ainsi, la poitrine frémissante, la face haute, illuminée et superbe, traînant toujours le chariot de misère, le cercueil roulant où elle avait agonisé. Et la foule qui l'acclamait, la foule frénétique, la suivit.